Chapitre 1. Il était une fois. Quand vous entendez « Il était une fois », vous savez qu'une histoire va être racontée. Quand le premier film sur la guerre des étoiles est apparu en 1977, il commençait par « Il y a bien longtemps, dans une galaxie très, très éloignée », et les spectateurs ont su d'emblée qu'une histoire allait commencer. Et voici une histoire qu'une fois mon père m'a racontée. La même année que la guerre des étoiles a occupé les grands écrans, Racine, une mini-série montée par Alex Haley à propos de ses ancêtres africains, a occupé les petits écrans. Pendant plusieurs semaines, un nombre immense de téléspectateurs a regardé le captivant spectacle. Tout à coup, le désir de connaître ses propres racines s'est emparé d'un nombre incalculable d'Américains qui se sont lancés dans des recherches généalogiques. Parmi eux, mes parents. Comme il se devait, mon père a voulu partager avec moi ce qu'il avait appris de son étude approfondie. Ainsi, un après-midi de fin de semaine, je me suis rendu auprès de lui et me suis assis pour l'écouter. Installé dans un fauteuil, je me préparais à l'entendre dire quelque chose comme « Les ancêtres de notre famille vivaient en Écosse ». Mais non, il commença par dire « Noé avait trois fils ». Je savais qu'une histoire allait commencer. Et je savais que l'après-midi serait long, long, long. Maintenant, ne soyez pas inquiets, car ce livre ne sera pas un livre très long. Mais moi aussi, j'ai une histoire à partager avec vous. Et l'histoire que je veux vous raconter a commencé bien avant Noé. En fait, elle commence davantage comme la guerre des étoiles. Il y a bien longtemps, en un lieu situé très très loin, un lieu appelé le ciel. Car l'histoire que je veux partager avec vous dans ces pages est empruntée au titre du livre « Sur la vie du Christ » de Fulton Hoffsler, publié en 1949 et intitulé « La plus belle histoire que l'on ait jamais racontée ». La plus belle histoire jamais racontée est celle de la vérité contre le mensonge. C'est l'histoire de l'amour contre l'égoïsme. L'histoire de la lumière contre les ténèbres. C'est l'histoire du bien contre le mal. C'est l'histoire de Michael, Jésus, contre Lucifer, Satan. C'est l'histoire des disciples du Christ contre les disciples du diable. Et le thème central de ce livre va porter sur l'histoire de ces fidèles disciples du Christ, depuis la chute des humains jusqu'à la restauration future d'un monde parfait. Dieu a toujours eu de fidèles disciples, loyaux à l'égard de sa vérité et décidés à accomplir sa volonté. Dieu a toujours eu des fidèles qui ont courageusement dit la vérité à son sujet. Dieu a toujours eu sur cette terre des gens, fidèles et en petit nombre, des appelés et des élus, des défenseurs et des proclamateurs de sa vérité. Et Dieu a encore un peuple. Nous l'examinerons de plus près dans un chapitre ultérieur. Mais pour le moment, commençons avec le commencement. Transportez-vous maintenant avec moi à une époque que l'on imagine à grand-peine, une époque où il n'y avait pas de péché, pas d'ennui, pas de mal. Les premiers chapitres de la Bible nous ramènent à cette époque d'il y a bien, bien longtemps, très, très loin. Un endroit que nous appelons le ciel. Dans le ciel, il y a le trône de Dieu. De ce trône, il contemple le vaste univers qu'il a créé. Des anges innombrables, radieux, intelligents, des êtres sans péché qu'il a aussi créés, savourent la joie et l'amour de sa présence. Mais quand Dieu a créé ces anges, il a choisi de prendre un risque important. Voyez-vous, il voulait que ces êtres créés l'aiment parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils avaient choisi de l'aimer, et non parce qu'ils le devaient. Ainsi, il a créé chaque ange avec le don merveilleux du libre choix. Il ne les a pas créés comme des ordinateurs programmés pour aimer. Ils étaient libres d'aimer et d'obéir à leur Créateur. Mais cette totale liberté de choix signifiait aussi qu'ils pouvaient choisir de s'opposer à lui. C'est là le risque que Dieu a pris. Appelé à réfléchir son amour pour un ordre parfait, chacun des anges était assigné à une tâche particulière. Et l'ange qui occupait la plus haute position au-dessus d'eux était Lucifer, le brillant. Lucifer était le chérubin protecteur qui se tenait en la présence immédiate de Dieu. « Tu étais un kévou protecteur, aux ailes déployées, » dit Dieu de Lucifer en Ézéchiel 28:14. « Je t'avais placé dans la montagne sacrée de Dieu. Tu étais là, tu te promenais au milieu des pierres ardentes. » Et au verset 12, tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Les années de l'éternité se déroulaient dans une paix parfaite et sans péché. La Bible ne nous dit pas combien de temps Lucifer a vécu au ciel après sa création. Peut-être 1000 ans, peut-être 1 million d'années. Mais le temps passant, Lucifer, apparemment, s'est laissé de plus en plus attirer par sa beauté et sa sagesse. Et apparemment, il a estimé qu'il devrait être porté à une hauteur plus élevée dans le niveau d'autorité des cieux. Seuls 2 autres êtres étaient aux cieux égaux à Dieu, Jésus-Christ le Fils et le Saint-Esprit. Lucifer, sachant que Dieu était fidèle et juste, a sans doute conclu que Dieu reconnaîtrait bientôt sa croissance personnelle, ses qualifications, sa perfection, et qu'il serait promu à une position égale à celle du Fils et du Saint-Esprit. L'orgueil, puis la chute. En Ézéchiel 28:17, nous lisons à nouveau « Ton cœur s'est enhardi à cause de ta beauté. Tu as perverti ta sagesse par ta splendeur. » Tu as perverti ta sagesse. En d'autres mots, Lucifer ne pensait pas juste. Son jugement s'est déformé par une fausse vision de lui-même qu'il s'est donnée et a choisi de croire. En raison de sa sagesse, de sa fonction et de sa beauté, Lucifer a lentement commencé à se voir plus important dans l'ordre des choses des cieux qu'il n'était réellement. Il commença à s'enorgueillir, à se concentrer sur lui-même. L'orgueil, un sens exagéré de sa propre importance, prépare quiconque à la chute. Et finalement, Lucifer est effectivement tombé. Après sa chute, Dieu a pu dire de lui, selon Ézéchiel 28:15, « Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'injustice a été trouvée chez toi. » Et en Ésaïe 14:12-14, Dieu ajoute ces paroles. « Comment, tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu as été abattu, toi qui domptais des nations. Tu te disais, « Je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de la rencontre, au plus profond du nord. Je monterai sur les hauteurs des nuages, je serai semblable au Très-Haut. » La promotion de Lucifer ne s'est jamais faite. S'il avait pensé clairement, il n'aurait jamais perdu de vue le fait que Dieu était le Créateur et que Lucifer était et ne pouvait être qu'une créature. Ainsi, il attendait avec une frustration croissante quelque chose qui ne pourrait jamais arriver. Le temps passa, sans que rien n'indiquât que Dieu préparait pour Lucifer une imminente promotion. Le prince des anges fut tout d'abord surpris, puis amèrement déçu, et finalement jaloux, il fut pris de colère. Arrivé à ce point, Lucifer ne pouvait conclure que 2 choses. Ou bien le problème était en Dieu, ou en lui-même. Comme il n'était pas possible qu'il soit en lui, bien que de toute évidence, ce n'était pas le cas, Lucifer conclut que Dieu n'était ni juste, ni digne de confiance. Il devint évident à Lucifer qu'en accordant des honneurs particuliers, des privilèges et une autorité à Jésus, le Père faisait du favoritisme. Dieu ne doit simplement pas être tel qu'il se présente lui-même devant l'univers. Ainsi le chérubin protecteur en vint sincèrement à croire à ses propres fausses idées sur le caractère de Dieu, les acceptant comme parfaitement vraies. Pendant une longue période, Lucifer s'efforça de convaincre les anges qui étaient sous son autorité que l'image qu'il se faisait de Dieu était incorrecte, qu'en fait, Dieu était partial, injuste, un menteur inéquitable. Finalement, l'insatisfaction que manifestait Lucifer se développa en une révolte ouverte. La Bible l'a décrit en Apocalypse 12:7-9. Il y eut alors une guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent le dragon. Le dragon combattit, lui et ses anges, mais il ne fut pas le plus fort, et il ne se trouva plus de place pour eux dans le ciel. Il fut jeté à bas, le grand dragon, le serpent d'autrefois, celui qui est appelé le diable et le Satan, celui qui égare toute la terre habitée. Il fut jeté sur la terre, et ses anges y furent jetés avec lui. Et Apocalypse 12:3-4 dit qu'un tiers des anges a accepté et cru au mensonge de Lucifer. Le grand conflit entre Christ et Lucifer, appelé dorénavant le diable et Satan, avait commencé. La guerre derrière toutes les guerres, la guerre qui inclut et sera la cause de toutes les guerres sur la terre, faisait rage maintenant. Mais comment se fait-il que vous et moi soyons impliqués dans cette guerre immense entre Dieu et son gouvernement d'amour et Satan et sa rébellion d'égoïsme? Comment le conflit s'est-il déplacé des anges aux êtres humains? Chassés du ciel, Satan et ses compagnons rebelles ont établi leur contre-gouvernement sur la petite planète appelée Terre et se sont engagés à haïr à jamais et à finalement détruire leur propre créateur. Le premier livre de la Bible, la Genèse, nous raconte que Dieu a choisi de créer sur cette terre une autre catégorie d'êtres, pas aussi puissants que les anges, mais faits à son image. Au sixième jour de la création, selon Genèse 1, 26-27, Dieu dit « Faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. Hommes et femmes, il les créa. Dieu a créé les premiers êtres humains, Adam et Ève, avec la même liberté de choix que les anges. Il créa aussi un magnifique jardin, appelé Éden, comme foyer de nos premiers parents. Dieu ne permit pas à l'ange déchu, Satan, d'avoir libre accès à l'homme et à la femme qu'il avait créés. Il le confina à un seul arbre, au centre du jardin. Et Dieu avertit Adam et Ève en leur demandant de se tenir éloignés de l'arbre et de ne jamais manger son fruit. La tragédie, c'est alors qu'est arrivé le jour tragique qui a changé l'histoire de la terre et des humains pour toujours. Permettez-moi de vous décrire la scène. Ève n'avait pas eu l'intention de se promener loin de son mari Adam. Mais pour une raison ou une autre, occupée avec bonheur à une activité, elle se trouva tout à coup toute seule, examinant l'arbre à propos duquel Dieu les avait sérieusement avertis. Son avertissement lui revint à l'esprit. « Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance de ce qui est bon ou mauvais, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. » Mais Satan lui-même était posté dans l'arbre sous la forme d'un serpent. Au moyen de la flatterie, de la tromperie, en remettant en cause les motivations de Dieu lorsqu'il a recommandé à Adam et Ève de se tenir éloignés de l'arbre. Satan incita Ève à prendre le fruit de l'arbre et à le manger. Avant la fin du jour, Ève a partagé le fruit avec Adam. Plus tard dans la même journée, alors que Satan et ses forces célébraient leur victoire en jubilant, Adam et Ève entendirent la voix de Dieu qui les appelait dans le jardin d'Éden. Habituellement, quand il les appelait, ils se précipitaient joyeusement pour le rencontrer. Mais ce soir-là, selon Genèse 3.8, ils allèrent se cacher parmi les arbres du jardin pour ne pas être vus par le Seigneur Dieu. « Où es-tu ? » dit Dieu. « Je t'ai entendu dans le jardin, » répondit finalement Adam, « et j'ai eu peur. » Adam effrayé par Dieu ? La plupart d'entre nous aujourd'hui, nous avons une façon de nous esquiver, nous aussi, si jamais nous avons besoin d'être pleinement à l'aise en présence de Dieu. Depuis ce jour en Éden, alors que nous sommes ses créatures, nous nous sommes sentis souvent mal à l'aise près de lui, même effrayés par lui. D'une certaine manière, le péché est comme cela. Le péché opère une rupture dans notre relation avec celui qui nous a fait. Rupture qui nous conduit à le voir non comme il est réellement, mais sous un angle totalement faux. Je ne sais pas quelle image vous vous faites de Dieu en ce moment, mais je sais que si vous éprouvez la moindre peur à son égard, que vous êtes en colère à son sujet, ou mal à l'aise, c'est parce que la séparation opérée par le péché vous empêche de le voir tel qu'il est. Séparés de Dieu, nous commençons à imaginer toutes sortes de choses à son sujet qui ne sont tout simplement pas vraies. Nous lui faisons reproche des maux que notre propre péché nous procure. Nous commençons à le voir comme fondamentalement contre nous, comme un juge sévère, un père renfrogné, si ce n'est pas comme notre ennemi juré. Et pour créer ces fausses images de Dieu, nous ne manquons pas de secours. Satan, Lucifer déchu, est constamment à l'œuvre, projetant de la boue sur la réputation de Dieu pour en faire le pire des scélérats. Satan est dévoré par le désir de déformer l'image de Dieu en disant des mensonges à son sujet. Ainsi, quand des difficultés envahissent nos vies, des tragédies, des souffrances, des maladies, des chagrins, il nous presse immédiatement à en porter le blâme sur Dieu. Mais l'image de Dieu faite par Satan est fondamentalement fausse. Loin d'être le juge qui nous condamne ou notre ennemi, Dieu est notre sauveur et notre plus grand ami. la preuve du grand amour de Dieu pour la race humaine, et rapporter quelques versets après la triste histoire de la chute d'Adam et Ève dans le péché. En Genèse 3:15, Dieu parle à Satan et lui dit « Je mettrai de l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. » Ces mots contiennent la première promesse de la Bible, affirmant que Dieu, d'une certaine manière, sauverait les êtres humains qu'il a créés. Il ouvrirait une voie permettant à quelqu'un d'autre de porter la pénalité du péché. Dieu introduira l'inimitié entre Satan et Ève, et entre leur postérité ou disciples. Et de la postérité d'Ève ou sa descendance, une semence germera qui écrasera la tête de Satan, alors qu'il écrasera son talon. Il est suggéré ici un contraste entre une blessure mortelle à la tête et une blessure qui ne l'est pas au talon. La postérité qui écrasera la tête de Satan, c'est Jésus, le Fils de Dieu. Et le jour viendra où ce Sauveur promis prendra sur lui tous les péchés commis par toute personne qui aura vécu. Il prendra sur lui toute la rébellion, l'égoïsme, l'orgueil d'une race qui s'est détournée de lui. Et sur une croix honteuse, il portera l'entière peine de mort. Il donnera son sang et sa vie pour sauver Adam et Ève, pour sauver ses descendants, pour vous sauver, pour me sauver. Cette guerre contre Dieu a commencé aux cieux avec un ange rempli d'orgueil. Elle s'est déplacée sur la terre où les humains se sont rebellés eux aussi et ont choisi leur propre voie. La bonne nouvelle est qu'un jour, bientôt, la guerre sera finie pour toujours. Mais entre le déclenchement de cette grande guerre et sa fin, Dieu a encore et aura toujours certaines personnes qui prennent position pour lui de façon décidée, qui se tiennent fermement de son côté dans le conflit, qui lui sont loyaux jusqu'à la mort, fidèles à sa vérité et à la défense de son caractère. L'histoire de cette vaste guerre est l'histoire de ses fidèles disciples. Quels furent ses premiers fidèles? Qui ont-ils été à travers l'histoire? Qui sont-ils aujourd'hui? Les réponses à ces questions ne sont pas enveloppées de mystère. À toutes les époques, Dieu a toujours eu un peuple qui lui a été fidèle, les appelés et les élus. Et il dispose encore d'un peuple particulier aujourd'hui.